La roue du moulin, à Gustave Isambert. « Peux-tu venir à Fonfrédière ?» me dit mon père. « Si je voulais aller à Fonfrédière, où l'âne, une fois l'an, portait le blé en grain, puis le rapportait en farine, on m'eût dit « Veux-tu venir à Rome ?» que je n'eusse pas été plus joyeux. » Nous voilà partis pour Fonfrédière. Le fils du meunier était sur le point de prendre femme. Et le vieux Siffrin, un ami de pêche et de chasse, qui, entre guillemets, menait encore le moulin malgré son grand âge, avait invité mon père à signer au contrat. Que d'événements en cette journée! D'abord, nous fûmes croisés à mi-chemin par l'aîné des Siffrin, le marié, lequel menait une cavalcade. Plus fier qu'Artaban, dans ses habits neufs, Siffrin avait en croupe une solide gaillarde, heureuse et rouge, qui le serrait des deux bras pour ne pas tomber. Et, comme un coq enrubanné pendait à la selle, chacun, le long de la route, comprenait que c'était futur et futur. Derrière, entre des cousins, des cousines, le beau-père, montagnard de mine prudente, trottinait à dos de mulet. « Bonne salut à tous !» s'écria l'aîné des Siffrin, sitôt qu'il nous vit. « Je viens de chercher celle qui demain deviendra mienne, plus haut que le village de Bermond, un pays de malédiction, où la vigne ne pousse plus. » Mais où les filles sont jolies.